Bonsoir à tous. C'est l'émission Terrain Incognita sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec et vous êtes en compagnie de Bruno à la mise en onde, de France à l'animation et moi-même, Jean-François. Et on succède à les illusions auditives avec Vincent Jacques. Et il était question des Beatles et du 50e anniversaire de Sgt. Pepper, ce qui est considéré un peu comme le premier disque de musique progressive. En fait, s'il sortait aujourd'hui, je pense que c'est... Puis ça apparaissait sur Inside Out, c'est sûr qu'on considérait ça comme la musique progressive parce que c'était un album concept et que ça se différenciait beaucoup de la pop par des arrangements complexes. Mais c'est pas tellement le propos ce soir. On a plein de nouveautés. On va avoir du White Willows, du Steve Hackett, du Blind Ego, Crabtree, Blackfield, Machine, il y a aussi du Mute Gods. Mais un petit retour sur le passé, la semaine dernière, à la même heure, on était en train d'écouter IQ qui donnait un spectacle absolument extraordinaire, encore une fois. C'est toujours bon. Un des meilleurs que j'ai vu d'IQ, qui ont pigé à peu près dans presque tous les albums qu'ils ont fait. Oui, le dernier qui est très bon était bien représenté. Il y a des extraits de Subterranea et ma pièce préférée, une de mes préférées, The Last Human Gateway, qu'on avait quand même déjà entendu parce que ça fait plusieurs fois qu'on voit IQ, mais ils ont souligné le fait que lors de leur dernière visite, ça fait 2 ans, je pense, la dernière visite, ils avaient interprété The Enemy Snack et cette fois-ci, ils ont dit on va vous faire, puis là j'espère. Et bien oui, The Last Human Gateway, dans son intégralité de 22 minutes. Et ça a été tout simplement extraordinaire. Un Peter Nichols en forme qui s'est forcé de parler français, c'était fabuleux. C'était du IQ, c'est toujours bien fait. Et on est bien heureux. On espère beaucoup les revoir, on ne se tanne jamais. Et cette semaine, c'était Jeff Tate qui était là pour nous faire du Queensryche dans une version acoustique avec un guitariste absolument extraordinaire. Oh aussi. Oui, un violoniste aussi. Oui, oui, une belle formule. Là. Il y a un Jeff Tate très, très bavard. Il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il comptait toutes sortes d'anecdotes. Un solide bout en train, puis il est revenu sur la carrière de Queensryche. Un groupe, moi je dirais que c'est un précurseur du prog metal. En fait, à l'époque, on ne disait pas ça. Le terme n'existait pas. Je pense qu'on l'a sorti pour Dream Theater. Mais je pense que Dream Theater n'aurait pas pu exister sans Queensryche. Ils ont sorti les gros canaux, Jet City Woman, Silent Lucidity. Moi, j'aurais beaucoup aimé la pièce Empire, mais ils ne l'ont pas faite. Peut-être que les arrangements ne se prêtaient pas à ça. Mais quand même, un spectacle de 2 heures, puis qui a été précédé par des versions acoustiques de Une heure Odyssée et ensuite de Hill Ward. C'est des belles prestations, toutes les deux. Deux très bons groupes québécois là, qui font très bien et qui ont très bien paru en première partie de Jeff Tate et sa bande. Et il y a plein de nouveaux spectacles qui s'en viennent, mais France vous parlera de ça un petit peu plus en détail dans un autre micro. Pour l'instant, il y a un nouveau White Willow qui s'appelle Future Hopes, et c'est bon, hein, c'est du White Willow. Ils se font rares depuis quelques années, et là, finalement, il est sorti avec une magnifique pochette signée Roger Dean. Et c'est très beau, et c'est un bon disque avec 2 bonus tracks. Michel en avait fait jouer une qui est une reprise, c'est drôle, des Scorpions, Animal Magnetism, que Michel avait fait jouer mais dans une version très méconnaissable. En fait, je l'avais même pas reconnu. Et ce qu'on va entendre, là, c'est une pièce de White Willow, In Dimes Days. Et tout de suite après, Steve Hackett avec un très bon disque qui s'appelle The Night Sirens. On va en entendre une nouvelle pièce aussi. Et le projet de monsieur RPWL. Kelly Walker. Oui, Karl-Heinz Wallner. Et le disque de Blind Ego s'appelle Liquid. Et j'avais pas une grosse confiance, mais finalement, je déteste pas ce disque-là. On va en entendre un extrait et vous pourrez vous faire votre idée. Donc, on écoute tout ça et on revient après. Thank you.

dance. Everything changes, not a state of your mind, it is real. Everything was in order, now there are no more rooms. So you run for cover, but you never escape the storm. Look around, the calm is gone. It's too hard to believe that you just were lying in the grass beneath the center of spring. Now you run for cover, but you'll never escape the storm. Was replaced by a hurricane's fate. Now you run for cover, but you never escape the storm. Better run, don't you waste no time, 'cause you can't feel the panic spread out. The kids that were playing and the birds that were singing, now they run for cover, but they'll never escape the storm. Yeah. Blind Ego, le groupe de Karl-Heinz Wallner de RPWL. Et sur cette pièce-là, on retrouve comme bassiste Sébastien Arnac du groupe Sylvan, qui avait fait un malheur l'année passée au Festival Terra Incognita. Et d'ailleurs, ça s'en vient, le Festival Terra Incognita. 5 semaines. Ben oui, 5 semaines juste, dans 5 semaines. Et Bruno, qui est toujours impatient, j'ai dit, Bruno, calme-toi, là, ça va venir, là, chaque année, ça vient. Fait que, fais-toi-en pas avec ça, là. Puis, ben oui, ça s'en vient, fait que, là, tu sais, à même heure, dans 5 semaines, on va être en train d'écouter Glasshammer. Ouais. Et d'ailleurs, on va en entendre une pièce à la fin. Et juste avant ça... c'est, si je me souviens bien, c'est pas comme Isaiah Ferreira, c'est dimanche. Eden Song. C'est Eden Song, oui, juste avant. Et on débute la soirée avec Universe Effect. Et pour le vendredi soir, Yes. Pas Yes, mais... Yes Song. Yes Song. De concert. Mais c'est encore mieux parce que c'est la plus belle période de Yes. Et le dimanche, Fabio Zuffanti termine la soirée, précédé de Comedy of Error. Puis Il Paradiso del Cliorchi. Exactement. Et ça, ça va être... Je l'ai pratiqué. Ça, ça va être plaisant parce que c'est un jeune groupe. Des petits jeunes dynamiques. Et ils vont peut-être nous refaire le même coup que... Unreal City, ben, la première fois qu'ils sont venus. Et même la deuxième. Oui. Il y avait mis le feu encore une fois, les autres. Et ben juste avant, c'était Steve Hackett de Night Siren qui, je pense qu'il déçoit pas. C'est un petit peu déroutant en première écoute, mais c'est un disque qui est très agréable, qui s'appelle The Night Siren. On a entendu 50 Miles from the North Pole. On avait débuté langoureusement avec White Willow de l'album Future Hopes in Diamond Days. Et on poursuit avec Cap Tree qui vient de sortir un nouvel album, Emerger. Et, ben, j'ai pas eu le temps d'écouter beaucoup, donc je pourrais dire quasiment qu'on va le découvrir presque ensemble, mais non, je l'ai écouté une couple de fois. Et j'ai choisi un morceau qui me plaît bien. Et tout de suite après, ça va être Blackfield, que Marc avait fait jouer aussi. La pièce, lui, il avait choisi Family Man, une très très bonne pièce. Nous autres, on va entendre de Jekyll. Et Maschin, encore une fois, on réfère au Festival Terra Incognita parce que Maschin, ben, c'est composé de Luc Maschin et de Daniel, dans le temps, on l'appelait Daniel Mash, mais là, il se fait appeler Daniel Machal. En tout cas, je trouve ça un peu surprenant. Mais donc, Maschin, ben, c'est un mix de Luc Maschin et de Daniel Machal. Donc, c'est un nouveau disque qui s'appelle Naturalis. On en entend une pièce aussi. Donc, on débute avec Cap Tree. We'll be right back. if everything is recorded, then what am I for? Of more importantly, what should I immerse in? Sometimes you need someone to take away go to the valley below, untraceable, no one can reach. You should stay on this wide open road. On the wayside lay all your dead dreams. Sometimes you need someone to take away. like the seasons. Time so short, we'll blink and miss. Fill my vanity with becoming species and not over the place where we came. Yeah, that we breathe is from here. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Lui qui a purifié les boissons. La Barberie. La Barberie. Point à la ligne. L'Orchestre symphonique de Québec a dévoilé sa nouvelle programmation. Fabien Gabelle et les musiciens de l'orchestre vous proposent une saison célébrant la richesse et la variété du répertoire. Au rendez-vous, un festival Tchaïkovski, des artistes prestigieux, des spectacles pour enfants et des chanteurs pop. Une saison flamboyante avec Charles Richard Hamelin, Alain Lefebvre, Marianne Fizet, Bertrand Chamaillou, Hélène Guilmette, Jacques Lacombe, Marc-André Hamelin, Rock Voisine, Alex Nevsky, pour ne nommer qu'eux. Détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Le samedi 29 avril, la Maison de la littérature présente Le chemin qui marche, une soirée d'escale littéraire sur le Saint-Laurent. Ce voyage polyphonique sera ponctué, entre autres, des mots de Joséphine Bacon, Dany Laferrière, Germaine Guévremont, Nicole Brossard et Jacques Poulain. Le tout lu par Lise Gauvin et Pascal Montpetit. Au cœur du Vieux-Québec, la Maison de la littérature. Votre maison pour écrire, lire, vivre. Quand j'ai eu à vider son appartement, j'ai trouvé des bobines de films. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Je voulais absolument voir ce qu'il y avait là-dessus, évidemment. Je me suis mis à fantasmer avec l'idée de pouvoir revoir tout ça. Rien ne se perd et tout se transforme selon Millimétrique. Je suis parti de sons de Fog Dreams, mon plus récent, pour refaire des nouveaux morceaux, des sons que j'avais aimés, que j'avais mis dans un dossier que j'avais pas utilisé. Tout le talent d'ici, une seule adresse. Donc, Millimétrique, je trouve que ça représentait bien ça. Lafabriqueculturelle.tv. Un 5 à 7 à la Ninkasi, c'est une rencontre entre amis, un rendez-vous entre collègues, un événement important à souligner ou tout simplement un moment à savourer. La Ninkasi, c'est de l'espace pour les groupes qu'on peut réserver, un support technique de qualité, une ambiance feutrée et une terrasse chauffée. Un 5 à 7 à la Ninkasi, pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, complice depuis maintenant 10 ans. 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. C'est KRL. En fin de bloc, c'était le groupe Maschine, composé de Daniel Machal et de Luc Maschine. Et juste avant, c'était le nouveau Blackfield, Blackfield 5. Et on avait débuté avec Cap Tree. Et ben, on va parler spectacle. Qu'est-ce qui s'en vient comme spectacle? Il n'y a un petit peu. Ben, vas-y, on commence. À la fin du mois, le 30 avril, c'est Edith Jobson, l'auditorium du collège François-Xavier Garneau. C'est un hommage à Keith Emerson ou Emerson Again Palmer. Moi, c'est ça. Le 5 mai, ben, tant entendu, c'est Anne de la Garde, ouais. De la salle Jean-Paul Tardy. Première visite à Québec. Oui. Le 14 mai, Adrienne Bello Power Trio, au même endroit. Cette semaine, ou en fin de semaine dernière, le 26 août, Aiken, à la salle Mutine Méduse. Le 13-14 octobre, Prog Story, à la salle Jean-Paul Tardy. C'est les meilleurs moments du rock progressif britannique des années 70. Ils vont couvrir les répertoires de King Crimson, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Gentle Giant et Yes. Le 21 octobre, Pendragon, à la salle Jean-Paul Tardy. Bon, puis ça, c'est sans oublier le Festival Terra Incognita. On a parlé tout à l'heure. Ben oui. Et bien, pour poursuivre en musique, ça va être Gösta Berling Saga. Mon coup de cœur du Nerfest 2013. 2012, oui. Le Nerfest à Apocalypse. L'Apocalypse. Ben oui. Et bien, on a une partie de Gösta Berling Saga qui est venue à Québec l'an dernier. Mathias Olsen? Non, en fait, c'est... ben, en fait, j'ai oublié son nom, là, mais c'est le claviériste de Gösta Berling Saga. Oui, mais Mathias Olsen, il est venu avec Necromonkey. Oui, mais c'est ça. C'est que le claviériste de Gösta Berling Saga fait partie de Necromonkey. Mm. Et on va poursuivre ensuite avec Cast, un nouveau Cast qui est très bon. Ils ont, en fait, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui le connaissait, le disque. En fait, moi, je l'ai eu juste cette semaine. Puis, il parlait d'un violoniste italien. Effectivement, il est très bon. Puis, il apporte une très belle couleur. Faites chercher un nom. Bon, ça n'a pas tellement d'importance parce que c'est pas un musicien qui est tellement connu. Et ensuite, ben, il y a The Mute Gods qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Tard the Great Will Inherit the World. Un titre qui est long et c'est même cette pièce-là qu'on va entendre. Puis ce groupe-là, ben, c'est composé de Nick Begg, qui est un phénomène en soi. On l'a vu assez régulièrement avec Steve Hackett et aussi avec Steven Wilson. En fait, tout le monde s'arrache ce bassiste-là qui est un phénomène sur pattes. Et le groupe est composé aussi de Roger King, qui est le claviériste de Steve Hackett et de Marco Miniman. On donne comme référence Joe Satriani, mais lui aussi a joué avec un peu tout le monde, dont Steven Wilson et beaucoup d'autres. Donc, ce sera la pièce-titre de cet album-là, qui sonne un peu comme du New Wave des années 80. Mais en tout cas, vous pourrez nous en donner des nouvelles. Là. Mais c'est une pièce qui devient assez obsédante. Mais on va commencer tout de suite avec Gösta Berling Saga. Thank you. Dépêche-mode avec Billy Idol. Ben, quasiment, on avait une discussion là-dessus, oui. Effectivement, ben, je vous avais dit que ça sonnait un peu la New Wave des années 80. Mais il faut dire que Nick Begg, le leader des Mute Gods, ben, il est issu de cette scène-là, hein, même si aujourd'hui on le retrouve dans le monde de la musique progressive. Au début des années 80, il était dans un groupe qui s'appelait Kajagoogoo. Ils ont eu un hit qui s'appelle Too Shy, qui n'a absolument rien à voir avec l'émission qu'on fait ce soir. Mais oui, effectivement, ça sonne un peu Depeche Mode des années 80, et même Billy Idol sur Rebel Yell. Mais c'est pas nécessairement très représentatif de cet album-là qui s'appelle Tardigrade Will Inherit the Earth. Et c'est un disque qui est un petit peu plus élevé que le précédent. Et sur cette pièce-là, ben c'est Nick Begg lui-même qui chante. Pas de mauvaise voix quand même. Non. Et juste avant, c'était Cast avec son violoniste qui a fait dire à Bruno que ça sonnait un petit peu UK. Effectivement, il y avait une envolée de violon là, vers la fin là, qui était digne de Eddie Jobson. Un très bon violoniste qui serait italien. On avait débuté avec Gösta Berling Saga et ben ça avait donné lieu quasiment à une saga familiale là, ici. Ben oui. On s'est obstiné un petit peu. Effectivement, Mathias Olsson est là. Il fait pas partie du groupe, mais il est crédité comme additionnel percussion. Fait que bon, en fin de compte, tout le monde avait raison. Ou tout le monde avait tort. Et bon, le musicien qui fait partie de Necro Monkey, le nom me revenait pas. Ben, c'est David Lundberg, qu'on a eu le plaisir de voir à Québec dans un spectacle qui était très intéressant l'automne dernier. Ben on va poursuivre avec un disque que j'aime beaucoup qui m'emballe et c'est Ali Ferguson. Moi et Michel on est stickés sur ce disque là qui sonne énormément Pink Floyd et un peu possible Mike Oldfield un petit peu plus vers la fin, donc assez vaporeux, mais beaucoup de Pink Floyd dans ce disque là. Le disque s'appelle A Sequence of Moments. On va entendre Out of the Dark. On va poursuivre avec un groupe allemand qui s'appelle Poor Genetic Material, qui est pas tellement connu ici. On fait pas tellement de cas de ce groupe-là. Et le disque, c'est Absence. On va entendre une pièce qui s'appelle Absconded. Thank you. tried to get him to pick up the phone to no avail. He's really gone. No one could shape things as well as he. Perfection that's beyond you and me. He kept very quiet about the tricks of his trade. There's something special about the object he made. Today the trains don't run. Some- things considered, it's the best I can do. C'était Poor Genetic Material et on avait débuté avec Ali Ferguson. Et ben, la semaine prochaine, c'est pour ceux qui sont en Belgique à Soigny, c'est le festival Progressis, donc avec Narcotic, Daffodild, Artus, Io Earth et Gong. Et le dimanche 23 avril, Green Violinist, Wrong Object, Richard Pinas et Focus. Et ben dans ce numéro 87 de Progressis, il y a un petit résumé de la carrière de Frank Zappa. Et on parle d'un festival qui a eu lieu à Amongies, ça c'est en Belgique aussi. Et on dit que Frank Zappa avait jammé sur Interstellar Overdrive avec Pink Floyd. Et ça se passait en 69 et on retrouverait sur le gros coffret de Pink Floyd qu'on a parlé dernièrement, qui vient de sortir, ben qui est sorti dans les derniers mois, qu'on retrouve cette prestation-là dans une version filmée, donc ça c'est intéressant. On retrouve ça dans le numéro 87 de Progressiste. Eh bien, c'est déjà presque tout pour nous. Et le temps de terminer avec une pièce de Glasshammer sur... et là, on remonte loin. On remonte à 1995, alors qu'on était un petit peu épaté par un disque qui s'appelait Perelandra. Et encore aujourd'hui, quand on écoute ce disque-là, on se rend compte que ce groupe-là était déjà solide en 1995. Ça tient encore très bien la route. Et on vous dit de rester à l'écoute pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Et on se laisse sur Time March On du groupe Glasshammer qu'on retrouvera au festival Terra Incognita le 20 mai. Donc, merci d'avoir été là. Et bonne semaine. Joyeux Spark. Thank you.